c'est dans les cendres de la nuit que je me tapis dans mon nuit. Le cœur battant d'adrénaline, derrière un mur, je la devine. J'y sens vie un corps féminin.